Des conséquences de nos actes. Au lendemain de son mariage, Faustine appelle l'ambassade pour le faire enregistrer et accessoirement se renseigner. Allô, je suis bien à l'ambassade de France. Oui, que demandez-vous, Madame le consul? Elle est occupée, c'est pourquoi? Une demande d'information. Je suis mariée à un Français depuis hier, j'ai droit à quoi? Félicitations d'abord. Comment ça, vous avez droit à quoi? Ben oui, comme nationalité. Mais ma bonne dame, ça vous donne droit à un mari, c'est déjà pas mal, non? Ah bon, c'est tout? Je pensais que je recevrais automatiquement la nationalité française. Non, bien sûr que non, ce n'est pas si facile. Vous êtes de quelle nationalité encore? Suisse. Eh ben, j'espère que vous n'y avez pas renoncé. Non, non, je voulais avoir la double nationalité, justement. Tant mieux, parce que si vous n'aviez pas coché la bonne case, vous auriez pu être apatride. Rien que ça? Oui, obtenir la nationalité française prend un peu de temps. Ensuite, vous aurez les deux. Ceci dit, il vous faudra venir à l'ambassade, faire homologuer votre mariage si vous voulez qu'il soit valide en France. Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 19h. Merci, madame, nous viendrons dès que possible. Au revoir. Faustine repose le combiné, un tantinet déçu. Décidément, rien n'est tout cuit dans ce bas monde. Des papiers pour travailler, pour vivre, pour se marier, pour le prouver, pour acquérir une nationalité, pour enfanter. Des documents encore et toujours. Ce temps qu'on perd juste en corvée administrative, simplement pour exister. Et il paraît qu'on est libre et égaux en droit, que la terre appartient à tous. Qui donc a défini ses frontières? Pas Dieu toujours. Daphné ne va pas tarder à arriver. Il faut lui préparer sa chambre. Maxime l'a inscrite au collège de Warrenton, mais elle suivra en parallèle les cours du centre d'enseignement à distance, le CNED. Son père craignant que le niveau ici soit insuffisant. On dirait qu'il n'a plus autant confiance en la sacro-sainte supériorité américaine. Daphné prendra le bus jaune tous les matins à 8h au bout de la route 1. Il la ramènera à 15h. À midi, elle déjeunera au collège comme les autres. En outre, elle participera à tous les événements sportifs et suivra exactement le même programme culturel que ses camarades. Visites de musées, d'entreprises, visionnage de films, etc. Maxime s'est arrangé avec les secrétaires du bureau pour que l'une ou l'autre accueille Daphné quand Faustine et lui-même seront à l'étranger. Mais ce ne sera pas avant février prochain, date de péremption du visa de Faustine. Ces jours, Maxime est très contrarié. Sa mère, sitôt qu'elle a appris que sa petite fille allait passer une année entière aux USA, chez lui, avec une femme qu'elle ne connaît pas, s'est mise en tête de leur rendre visite. Elle le harcèle chaque fois qu'il lui téléphone. Le tout nouveau mari de Faustine ne supporte pas sa génitrice. Il lui en veut encore de lui avoir coupé les vivres autrefois parce qu'il passait son temps dans les boîtes de Saint-Germain-des-Prés au mépris de ses études. Il ne le lui a jamais pardonné. De fait, elle ignore qu'il s'est remarié. Faustine, de son côté, a tout de même prévenu ses parents qui lui ont envoyé une pelle à tarte en inox en guise de cadeau de mariage. Pour la belle-mère, ma foi, il va bien falloir l'accueillir si elle insiste trop. À bout d'arguments, dans l'impossibilité de reporter l'épreuve, Maxime accepte finalement que sa mère débarque, tout en se débrouillant pour avoir quantité d'engagements ailleurs. Ainsi, il ne sera présent qu'épisodiquement, entre deux consultations, séminaires ou concerts. Dès lors, il transmet la responsabilité à Faustine d'organiser l'entier du séjour de sa génitrice et de leurs loisirs, sans lui dire qu'on est marié. Pourquoi donc? Parce que ça la détruirait. Tu parles. Les mères sont bien plus résistantes que tu t'imagines. Elle fera n'importe quoi pour ne pas vous perdre, toi et les filles, tu sais bien. Après un ultime téléphone, Maxime prévient Faustine que sa mère arrive fin octobre. Son séjour tombant pour moitié sur les vacances d'automne, elle profitera ainsi à fond de sa petite fille. Faustine aura carte blanche et même, aux surprises, les finances qui vont avec. Pour autant qu'elle n'exagère pas, ton père Maxime. Faustine, ravie de s'occuper enfin d'une figure maternelle et soulagée que l'homme ne soit pas là pour interférer dans leur relation naissante, se promet de faire visiter toute la région à sa belle-mère. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas pousser jusqu'à New York? Elle contacte leur amie Martine au Québec en vue de retrouvailles dans la grosse pomme. Puisque mamie Angèle et elle se connaissent, ayant été voisines autrefois à Oudan. Mais tout d'abord, accueillir et installer Daphné. Début octobre, Faustine la récupère à l'aéroport. Elle adore ce genre de corvée. Elle aime conduire la Fiat décapotable, d'autant que c'est l'été indien ici. Quel temps superbe! La petite est en pleine forme, ravie d'échapper à la monotonie de sa vie provençale pendant quelques mois. Tout de suite, les filles retrouvent leur complicité. Après tout, elles n'ont que 13 ans de différence. Elles se promettent de bien s'amuser. Pour commencer, elles vont rafraîchir la chambre de l'adolescente. Faustine n'osait pas s'y lancer seule, manquant d'expérience. Daphné, si jeune soit-elle, s'y connaît bien mieux. Les Français passent la plus grande partie de leur vie à refaire ou réaménager entièrement leur maison. Ils sont champions pour repeindre, transformer, réparer, hanter les bricoles loisirs. À Manassas, elles ont choisi une jolie peinture couleur coquille d'œuf, facile à appliquer, de séchage rapide. Daphné travaille vite et bien sur son côté du mur. Faustine, de l'autre côté, suit laborieusement, suant sang et eau, anxieuse de ne pas faire de traces. Décidément, ce sport, très peu pour elle. Mieux vaut carrément déménager, il y a moins de risques. Il leur faudra 8 heures à elles deux pour étendre la première couche en comptant le plafond. Quelle horreur! Se tordre le cou en arrière, essayer de ne pas s'en mettre partout, une vraie galère. Le temps que la peinture sèche, Daphné dormira au salon sur un lit d'appoint. Le lendemain samedi, Maxime s'empare du pinceau et termine la deuxième couche en moins de 2 heures. Faustine admire. Sitôt que c'est sec, elle installe sa belle-fille dans ses meubles. C'est quoi ce livre sur sa table de nuit? Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche? Eh bien, en voilà une fille intelligente. Faustine n'a pas souvenir d'avoir lu le philosophe à 15 ans, ni plus tard d'ailleurs. Elle ne pense pas qu'elle y aurait compris grand-chose. Et dire que Maxime prétendait que son aînée n'était pas vraiment brillante. Encore une pierre dans son jardin. Il n'aura pas fallu très longtemps à Daphné pour s'acclimater au lycée. Déjà, elle se sent à l'aise partout. Une fois ou deux par semaine, elle se contente d'un sandwich, peanut butter and grape jelly, beurre de cacahuète et gelée de raisin, histoire de déjeuner sur l'herbe avec ses nouveaux potes. Toujours ça où elle s'évite la malbouffe, se dit Faustine, qui ne va pas adopter ses sandwichs étouffes chrétiens pour autant. À la maison, Daphné raconte l'incontournable rituel scolaire. Le serment d'allégeance au drapeau américain, main sur le cœur. Tous ensemble, tous les matins, les élèves annonnent « Je jure allégeance à mon drapeau et à la République qu'il représente, une nation indivisible avec la liberté et la justice pour tous. » L'objectif est d'instiller l'esprit patriotique chez tous les écoliers depuis leur plus jeune âge. Et ça marche! C'est un véritable conditionnement, pour ne pas dire un lavage de cerveau, prétend Maxime. Il ne faut pas oublier que ces gamins sont susceptibles de partir se battre et donner leur vie pour leur pays. Faustine comprend mieux une certaine rigidité bornée dans le comportement des Américains eu égard au respect de leur législation. Souvent, Faustine passe prendre Daphné à la sortie des cours. En ce moment, l'apprenti marâtre saute d'un rendez-vous dentaire à l'autre. Depuis qu'elle est mariée, elle a enfin droit à l'assurance maladie de son époux. Elle en profite pour se faire refaire certaines dents, puisque la prestation est incluse. C'est Marilyn, son amie secrétaire, qui lui a dit d'aller voir son frère dentiste à Manassas. Ici, on ne rigole pas avec l'efficacité, ni avec la novocaïne. Les séances durent 1 heure entière. Au final, Faustine verra son clavier partiellement renouvelé. Elle peut de nouveau sourire sans cacher sa bouche. Avec ses nouvelles dents et ses lentilles de contact, elle se sent un peu comme une actrice refaite. Finalement, c'est bien pratique de pouvoir changer les pièces au fur et à mesure qu'elle s'érode. Mamie Angèle est là. C'est Maxime qui est allé la chercher à l'aéroport de Dulles. Rare concession qu'il fera à sa mère pendant les 3 semaines de son séjour. Faustine prend aussitôt la vieille dame, 65 ans à tout casser, en charge. Elle s'entend plutôt bien. Angèle, qui déteste son prénom, exige qu'on l'appelle mamie. C'était une femme plutôt joyeuse avant le décès de son époux. Elle raconte à Faustine à quel point elle a été heureuse avec lui, ne tarissant pas d'éloges sur le père de Maxime. Un érudit, travailleur, généreux et exubérant, parti beaucoup trop tôt. Féru d'histoire, entre autres, il avait toujours une anecdote dans son sac. On ne s'ennuyait jamais avec lui. Ils ont eu la chance de pouvoir travailler ensemble toute leur vie, puisqu'il était électricien établi à son compte, à une époque où c'était encore possible, sans que l'État vous suce la moelle des os. À sa mort, elle a fait construire une petite maison à Saint-Junien, en Limousin, berceau de la famille. Elle se remet doucement d'une grave dépression, ponctuant ses phrases de gros soupirs et d'un sempiternel. « Ne t'en fais pas pour moi, j'ai l'habitude !» sous-entendu de souffrir. Faustine, de son côté, confie l'histoire officielle de sa rencontre avec Maxime, sa vie aux USA, son enfance et son éducation. Son homme avait prévenu « Tu te méfieras, c'est son genre de prêcher le faux pour savoir le vrai. » Mais la jeune femme, à mesure qu'elle côtoie la mère de son époux, prend confiance, se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où mamie lui dit « Mais vous allez bien finir par vous marier un jour, non ?» Alors là, Faustine, prise au dépourvu, crache le morceau. « C'est-à-dire, nous sommes déjà mariés. » Coup de tonnerre dans le ciel bleu de Virginie. Pour le coup, mamie s'assied. Alors, Faustine sort une bouteille et deux verres, les remplit généreusement et raconte tout depuis le début. Leur coup de foudre au pied bleu, la basse hésitation, la première rupture, la menace de suicide de Maxime, les chantages. Faustine, qui tente de fuir son destin, puis décide de guerre lasse de le suivre, leur fuite à Paris, puis en Amérique. Bref, elle passe aux aveux complets, ne supportant plus l'idée de mentir à quelqu'un d'aussi important que la propre mère de son conjoint. Tout au long des 10 aveux, elle vide la bouteille de cognac aux œufs, petit à petit dans leurs 2 verres, espérant que cela aidera la vieille dame à supporter le choc. Pauvre Angèle, alias mamie, choquée, bouleversée, à juste titre, puisqu'à ses yeux c'est le divorce de son fils qui a précipité le décès de son époux, accélérant le processus de sa maladie. Enfin, n'en pouvant plus, elle met son manteau et sort en courant. Elle éructe. « J'ai besoin d'air, laisse-moi seule !» Faustine, dans un épais brouillard mental, culpabilise et meurt de trouille. Qu'a-t-elle fait là? Elle ignore si elle doit courir après sa belle-mère ou la laisser encaisser le choc dans la nature apaisante qui les entoure. Heureusement que Maxime est parti plusieurs jours. Les choses vont peut-être se calmer. Et si Angèle ne revenait pas? Et si elle se perdait dans la forêt? Oh là là, dans quel pétrin s'est-elle fourrée avec sa stupide franchise? On l'y reprendra, tiens, à ouvrir son cœur. Et puis Maxime, c'est sa faute aussi, à force de secrets, de manipulations et de mensonges. Avec lui, on ne peut jamais vivre les choses ouvertement. Enfin, au bout de 3 heures, l'insupportable attente cesse. Mamie revient. Il était temps. La vieille dame semble avoir pleuré. Elle déclare à Faustine dans un grand élan dramatique qu'elle est rentrée uniquement parce qu'elle n'avait pas son tube de Thémesta sur elle. Manquerait plus que ça, pense la bru. Ce serait le pompon. Quand Daphné rentre du lycée, sa grand-mère fait l'immense effort de prendre sur elle. Grâce à la gentillesse de sa petite fille, la vapeur retombe. Elle parvient peu à peu à tourner la page. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Le ressort est cassé, mais la faucheuse s'éloigne en grimaçant. Dans les jours qui suivent, Faustine met tout en œuvre pour effacer le traumatisme qu'elle a causé. Elle sort mamie, lui présente ses amis, Colline pour commencer, puis Bridget, l'ancienne chef du Napoléon. June du magasin de souvenirs, Laurie, ainsi que les filles du bureau. Elles cumulent les déjeuners, les distractions, partagent ses découvertes, entraînant Daphné avec elle chaque fois qu'elle est disponible. Enfin, elle organise le week-end à New York prévu. Un samedi, toutes les trois prennent le fameux bus Greyhound avec lequel on peut traverser toute l'Amérique vers 5h du matin. 500 km plus tard, elles sont à Downtown Manhattan. Martine les attend dans leur chambre réservée à l'hôtel civil. Faustine la trouve en train de se faire les ongles, languissamment allongée sur un des deux lits king size. Malgré la fatigue du trajet, elles partent visiter Broadway et l'Empire State Building. Mamie est un peu déçue de ne pas pouvoir assister à une comédie musicale. Faustine lui explique qu'il faut réserver au moins 6 mois à l'avance. De plus, elle n'a pas les moyens. À la place, Martine les emmène goûter aux Pierres, l'hôtel le plus chic de la ville, situé en bordure de Central Park. Chaque vitrine du hall contient des bijoux représentant plusieurs vies de salaire. Et les pâtisseries du salon de thé coûtent 4 fois plus cher qu'ailleurs, sans être meilleures pour autant. Martine, comme toujours, laisse Faustine payer l'addition. En fin d'après-midi, elle soupe dans le petit bistrot grec que Faustine connaît bien, juste à côté de leur hôtel, puis retourne se promener jusqu'à épuisement. Il ne fait pas vraiment froid, même à 9h du soir. On dirait que la fumée qui sort des bouches d'aération à fleur de trottoir réchauffe aussi la ville, à moins que ce ne soit la pollution. Pendant cette promenade, Daphné a eu besoin de se soulager. Alors elles ont cherché désespérément un endroit adéquat. Elles ont tourné en rond dans la 5e avenue, se sont perdues, ont fini, au bord de l'implosion, par pousser la porte d'un restaurant chinois. Là, elles ont demandé à des cuistots ébahis si elles pouvaient aller au petit coin. Ils les ont dirigées vers une arrière-cour répugnante de saleté. Quelle horreur! Partout sur le sol, des têtes de poulets sanguinolentes, des boîtes de conserve de nourriture pour chiens et des cafards grouillants. De quoi vous couper l'appétit à jamais. Ne parlons même pas de l'état nauséabond des toilettes à la turque. Plus tard dans la soirée, Martine et Faustine laissent Mamie et Daphné dormir en toute sécurité à l'hôtel et ressortent boire quelques verres. À 40 ans passés, Martine espère toujours rencontrer l'homme de sa vie. Elle est une grande habituée des bars et des nightclubs, l'œil toujours aux aguets. Elle aimerait bien trouver un vieux riche qui la laisserait veuve avec une petite fortune. Faustine pense qu'il faudrait qu'elle soit plus jeune et plus belle que ça pour y parvenir. Les vieux riches ne sont pas si stupides. Le lendemain, les 4 amies se promènent dans Chinatown, puis dans Little Italy. Elles déjeunent dans un célèbre restaurant italien. Hors de prix, bien entendu. Martine ayant insisté pour prendre une seconde bouteille de vin français, les derniers sous de Faustine, ou plutôt de Maxime, fondent impitoyablement. Au moment de l'addition, on procède à des calculs sordides. Initiatrice de la majorité des dépenses, Martine insiste pour n'en payer que le quart. Faustine en a mal au ventre, angoissée par avance de la rédaction de Maxime. Mais après tout, tant pis. À la guerre comme à la guerre. Il n'avait qu'à être là et s'occuper de sa mère, le lâche. Au soir, le retour à Warrenton dans le bus Greyhound commence mal. En raison d'une grève inattendue, il y a 2 fois plus de monde. Il faut se battre pour chaque place. La pauvre Angèle se fait écraser les pieds par une passagère 2 fois plus grosse qu'elle. À voir la mine terriblement agressive de cette dernière, Faustine n'ose pas réagir. Elle ne veut pas aggraver les choses. Pauvre mamie, elle s'en souviendra de son séjour en Amérique. La semaine suivante, Maxime revient enfin. Bien sûr, même si sa présence efface une grande partie des frustrations, sa mère ne peut s'empêcher de lui avouer sa déception concernant son mariage quasi clandestin, révélant par là qu'elle est au courant de cela, comme du reste. Le fils lance un regard courroucé à son épouse. Heureusement, l'aïeul ne rajoute rien d'autre. Les non-dits resteront là où ils sont et les cadavres dans leur placard. Question de survie. Si l'ancêtre souhaite continuer à voir ses petites filles. Au moment de s'envoler pour le Limousin, la vieille dame se déclare absolument ravie de ses vacances et fait promettre au couple de lui rendre visite prochainement. Compte là-dessus.